Jusqu'à ses voiles les plus sombres. Thank you. Descends. Il le prie le prochain de mieux en pire, il le prie le prochain. Sede.